temps de le dire, mais il y a une façon de le faire. CKRL FM 89,1. Bonne fin d'après-midi sur les ondes de CKRL 89.1. Vous êtes à l'écoute de l'émission anniversaire de votre station préférée, CKRL 89.1. 53e anniversaire cette année de CKRL. Bien sûr, vous me direz, c'est le 15 février, la date anniversaire. C'est la date de l'entrée en ondes de CKRL, 15 février 1973. Oui, en effet, mais le 15 février tombe ce dimanche. Hein, donc, on a préféré de célébrer l'anniversaire de CKRL aujourd'hui même, 13 février 2026, entre autres parce que c'est la journée mondiale de la radio aujourd'hui, une belle manière de souligner la radiophonie, mais également CKRL et ses centaines, voire même ses milliers d'artisans, employés et partenaires au fil des années. Pourquoi pas? Mon nom est Jean-Sébastien Doré, je suis le directeur de la programmation et directeur musical de CKRL depuis 2022. Je suis accompagné pour l'émission d'aujourd'hui de notre directeur général, Danny Fortin. Salut, oui, Danny. Bonjour Jean-Sébastien. Et de notre animateur le plus chevronné, le plus ancien, celui qui a pris les ondes le premier, le 15 février 1973, Denis Lelièvre, qui est toujours avec nous à Midi Jazz les lundis et à Chansons sur parole les jeudis. Bonjour Denis. C'est tellement un plaisir d'être avec toi Jean-Sébastien et avec Danny, comme toujours. Une quatrième édition de cette émission anniversaire. On commence à être rodé là, cette année. J'étais vraiment content de revenir avec vous pour piloter le tout. Une belle toi manière. Aussi. Toi aussi. Moi aussi. Content. Oui, je suis absolument je suis vraiment content de d'être là. On a une belle émission, on va parler un petit peu ensemble de CKRL, de ses artisans, de cet anniversaire-là, ce 53e anniversaire-là de CKRL. On va également recevoir aujourd'hui des artisans employés, anciens artisans, anciens employés, anciens partenaires de CKRL qui viendront avec nous discuter de leur engagement à CKRL au fil des années. Ça, c'est tout au long de l'émission, 90 minutes, voire même un petit peu plus, si on a du fun, pourquoi pas, à parler de CKRL. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de célébrer ce 53e-là? Vous avez lancé cette tradition-là de l'émission anniversaire pour l'année du 50e en 2023. Et vraiment, c'est un beau concept, je crois, que vous avez imaginé ensemble, entre autres, et qui a collé. C'est vraiment le fun, hein, Danny? Oui, exactement. En 2023, lorsqu'on a fêté le 50e anniversaire de CKRL, on a décidé qu'à la date anniversaire, c'était important de souligner justement l'anniversaire de la station, parce que CKRL, au-delà d'être une station de radio communautaire et culturelle, c'est également la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Donc, de le souligner une fois par année et de le remémorer à notre auditoire, à toute la communauté, en fait, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on peut oublier, il y a des gens qui sont plus jeunes aussi, oui, il y a des gens qui sont arrivés de l'extérieur. Alors oui, c'est comme pour n'importe qui, quel individu ou groupe, un anniversaire, c'est important, anniversaire de naissance d'abord. Moi qui animais à CKRL depuis 2012, qui venait d'entrer en poste à la direction de la programmation au moment de l'anniversaire, du 50e anniversaire, c'est à travers ces émissions-là, ces émissions spéciales-là, 50 ans de CKRL également, que Denis pilotait avec Jessica Lep, que j'ai découvert d'immenses pans de l'histoire de CKRL, des choses que je ne savais absolument pas, que je ne pouvais pas savoir. Donc, en effet, c'est vraiment important. J'aimerais demander à Denis, je sais, étant le plus ancien sur nos ondes encore avec nous aujourd'hui, on sent comment de voir cette station-là qu'on a vu naître, progresser au fil des années, des décennies, être encore là 53 ans plus tard. On sent comment de voir ça aller. Ben, moi, je suis très, très content. Bon, d'abord, il faut dire que toi, tu n'étais pas né, tu n'étais pas au monde. Ça doit être le fun de prendre quelque chose qui a pris une belle vitesse de croisière. Il aurait pu y avoir toutes sortes de gros accidents, fermeture, réouverture, etc. Mais il y a eu une belle continuité. N'est-ce pas la qualité première d'Annie que nous recherchons dans un sport que nous aimons tous les deux, le sport du hockey, c'est-à-dire la continuité. Et puis, moi, quand j'entends le battement de cœur, le battement d'horloge, la petite musique, là, j'en ai des frissons. Et c'est la quatrième année qu'on fait ça d'une façon nouvelle. Et je pense que j'aime ça encore plus qu'auparavant, là, parce que c'est un voyage dans le temps, mais l'espace aussi. Je me revois dans le petit studio de l'université, dans un pavillon qui est très connu, le pavillon de Coninck, mm-hmm. à l'étage en dessous du rez-de-chaussée, dont les chiffres commencent par zéro. C'était le 0460. Et ce qui est formidable, c'est ça. C'est pas vraiment une survie, parce que c'est justement le fait de perdurer dans le temps, puis avec toujours les mêmes objectifs, la même mission, tout en se renouvelant. Oui, c'est ça. C'est exactement comme Denis le mentionne. Ce qui est quand même important et incroyable en même temps, c'est que la mission de CKRL, au départ, qui est une mission communautaire et culturelle, bien sûr, 53 ans plus tard, elle demeure encore. Est encore présente et plus que jamais. Donc, il y a eu des changements, c'est sûr, au niveau de la programmation, mais la mission, l'objectif premier de CKRL est encore la même aujourd'hui qu'elle l'était au tout début. Oui, et c'est surtout pas routine ni un frein à l'évolution, au contraire. Moi, j'ai toujours le même feeling quand j'anime les deux émissions que tu as évoquées, qu'en 1973, c'est sans... éviter la nostalgie, être dans le présent et surtout voir ce qui s'en vient. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a souvent, avec différentes expressions, parlé au plan de culturel, d'une radio des découvertes, d'une... C'est ça, c'est d'être à l'écoute de ce que les jeunes proposent constamment. Et ça, je pense qu'on le réussit tout à fait, parce que ce qu'on disait au tout début... le 15 février 73, c'est d'être à l'écoute des musiques qui ne sont pas diffusées ailleurs et de les diffuser. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés ici, j'ose pas dire le mot connaisseur, parce que ça pourrait faire un peu prétentieux, mais je disais des gens très dévoués à la musique, des gens passionnés, des grands collectionneurs de musique, et qui ont dit « je suis tellement collectionneur » qu'il faut que je passe le message à d'autres. Mm. Tu sais, il y a une filière, il y a un côté transmission. Et 53 ans, parce que quand on a commencé, il n'y avait qu'une autre station en modulation de fréquence, qui était CHRC, qui est devenue Choix plus tard. Et puis, voilà, nous étions la deuxième. Et 2023, l'année du 50e, a vu naître un autre concept qui nous permet de célébrer la participation de tant de gens, de tant de partenaires, d'artisans, de collaborateurs, le mur de la reconnaissance qu'on trouve ici dans nos locaux, locaux qu'on occupe, Denis m'en parlait avant qu'on entre en monde, depuis bientôt 25 ans, peut-être aura-t-on la chance de le célébrer au cours de l'année. Mm-hmm. Mais Danny, c'est quoi ça, le mur de la reconnaissance? Comment expliquer ça aux auditeurs et auditrices? Oui, lors de l'année du 50e anniversaire, on trouvait ça important également de reconnaître la part des signataires de la fondation de CKRL et de ses artisans, chose qui n'avait pas été vraiment fait. Donc, à ce moment-là, on a dit, je pense que de le reconnaître d'une façon symbolique, physique, sur les ondes et sur nos réseaux, que ce soit sur notre site Internet ou autre. Donc, on a commencé ça en 2023. Lors de la première année, il y a eu les 14 signataires fondateurs et 50 autres personnes qui ont été nommées. En 2024, il y a eu 16 nommés. L'an dernier, 10 nommés. Donc, on est à 90 personnes des personnes qui ont été importantes pour CKRL, qui ont, lors de leur passage, que ce soit comme employés, comme artisans, comme artistes, comme partenaires, ambassadeurs ou autres, ont eu de l'importance pour la station. Oui, tout à fait. Des gens qui ont apporté une contribution significative, que ce soit au plan, par exemple, musical, au plan de l'administration, surtout, encore là, dans la durée. Il y a des gens qui ont été des étoiles extraordinaires, mais des étoiles filantes, par exemple, mm-hmm. un semestre, une session. Alors, un élément important, je pense, Danny va être d'accord avec moi, c'est entre autres, justement, la continuité dont je parlais tantôt, alors la durée. C'est un élément très important. On va amorcer la portion de l'émission, en fait, la majorité de l'émission, où on va donner la parole à de ces anciens collaborateurs, des gens qui ont gravité autour de CKRL au fil des années, pour parler de leur expérience qui les a menés vers CKRL, nous parler de leurs différents projets avec nous et auprès de nous. On va premièrement parler avec une animatrice active entre la décennie 1990, j'ai ça dans mes notes, vous pourrez me corriger, mais également avec elle, des années 90 à tout récemment. En fait, moi, je l'ai connue par l'entremise du comité de programmation dont on était membre au même moment, il y a quelques années. On a avec nous en ligne Guylaine Saint-Pierre. Bonjour Guylaine. Bonjour, bonjour tout le monde, c'est KRL, ouais! Ouais, bonjour Guylaine. C'est un plaisir d'être avec vous autres. C'est vrai, hein? On est content que tu sois toujours là, justement, puis je parlais de durée de continuité. Oui, ben oui, moi, j'ai commencé en 2004, en fait. C'est ça, je pensais, début, milieu des années 2000, avec un genre qui m'est cher, tu le sais, le jazz, et une émission avec du jazz live, comme on l'imagine pour d'autres types de musique, voire même du théâtre. Tu t'es fait connaître, entre autres, par ça, tu accueillais des nouveaux musiciens de jazz de Québec. Tout à fait. J'ai commencé tranquillement. Je me disais, bon, je vais diffuser du jazz chanté en français. C'était l'objectif premier de mon émission Jazzville. Mais après quelques semaines, je m'ennuyais un peu toute seule en studio. Alors, je me suis dit, je vais commencer à promouvoir la relève en jazz à Québec. J'ai commencé par inviter des étudiants de l'Université Laval qui venaient jouer en duo, en trio, des chanteuses avec un pianiste, avec un guitariste. François Rioux, par exemple, qui est devenu professeur à l'université, professeur de guitare, qui avait 20 ans à l'époque. Et petit à petit, cette émission-là, qui comportait non seulement de la musique en direct, mais aussi des entrevues, a commencé à se faire connaître ça m'a un peu dépassé. Je pense qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin pour les jazzmen et women du Québec de se faire connaître. Même ceux de Montréal me contactaient pour me demander de promouvoir leur album, de faire une entrevue parfois téléphonique. Et petit à petit, j'ai commencé à recevoir des grands noms. Yves Léveillé. Ça a fini avec Oliver Jones, Karen Young. ça faisait vraiment plaisir. Vic Vogel, Bernard Primo. Wow. On a eu un beau succès. La totale, et j'étais vraiment très fière et surprise moi-même de l'ampleur que ça prenait parce que c'était pas prévu comme ça, mais ça répondait probablement à un besoin. Les entrevues étaient assez longues, les gens avaient le temps de raconter, on écoutait des extraits de leurs albums. Puis elle a été diffusée aussi en direct d'un restaurant à Québec, le Largo, pendant un hiver. On avait fait une émission devant public, une fois par mois. Donc, ça a été une sacrée aventure, Jazzville. J'ai toujours la page Facebook, j'ai toujours la page, le compte YouTube. Je garde ça vivant parce que on sait jamais. Ça s'est terminé en 2011, mais pour moi, ça s'est jamais vraiment terminé. Guylaine, ça s'est terminé en 2011, comme tu le mentionnes, mais tu as continué à collaborer avec CKRL, notamment lors des radiothons, de façon quand même assez régulière. Tout à fait, j'ai continué les radiothons pratiquement chaque année depuis 2004. Et j'ai collaboré aussi dans d'autres émissions, comme par exemple Contes de fées avec Olivia Vu, oui, où je faisais des chroniques sur la littérature jeunesse. Donc, j'étais venue parler de Fifi Brin d'Acier, du Club des Cinq, mes amours de jeune fille à l'époque. Donc, et j'ai fait des chroniques aussi avec Tania Beaumont à son émission du retour lorsqu'elle faisait ça à CKRL. Je venais parler de musique, des découvertes, des... Ouais, il y a tellement de talent, là. Puis CKRL, c'est vraiment un creuset, là, pour ça, pour développer des talents. Les découvrir, les amener à la radio, entraîner les jeunes à faire des entrevues. On m'a souvent dit ça, les jeunes de l'Université Laval, là, jeunes musiciens qui me disaient on s'entraîne, puis je les voyais progresser d'année en année. Ils prenaient confiance, puis après, quand ils allaient dans d'autres médias, ben ils avaient déjà fait leur classe. Ça sert aussi à ça, CKRL. Développer les talents, les découvrir, puis les mettre en confiance, puis qu'ils sentent qu'on est toute une communauté autour d'eux pour les aider à prendre leur marque. Tu t'es impliqué également au comité de programmation lorsque, comme Jean-Sébastien le mentionnait, toi, tu trouvais ça important de peut-être être présente pour l'encadrement des producteurs, des artisans? Oui, quand on a quelques années d'expérience, je pense que c'est bien de redonner un peu à la communauté de CKRL, pouvoir partager un peu nos impressions, puis faire des commentaires constructifs pour les nouveaux animateurs, nouvelles animatrices. Je pense que c'est bien. Moi, j'en ai pas reçu beaucoup à mon époque. J'allais à la pêche moi-même là, pour essayer de trouver, voir ce qui allait moins bien. Et ce comité-là est vraiment utile, je trouve. On écoute les émissions qui sont en ondes régulièrement sur les ondes de CKRL. On discute entre nous. Je devrais parler au passé parce que je n'en fais plus partie, mais j'ai adoré cette expérience. Puis j'étais avec des personnes aussi très intéressantes. On avait des points de vue parfois différents, mais on arrivait à avoir de très bonnes discussions. Donc, CKRL, pour ça, est bien organisé. Il y a un suivi des producteurs, animateurs et des émissions. Comme on le disait au tout début de l'émission, à chaque année anniversaire depuis maintenant 4 ans, on nomme des personnes sur le mur de la reconnaissance. En 2026, bien sûr, il y a un nouveau comité qui s'est penché sur les personnes qui devaient se joindre aux 90 autres. Et Guylaine, j'ai l'honneur de te mentionner que tu es nommée sur le mur de la reconnaissance pour l'année 2026 de CKRL. Eh bien, tu m'en apprends toute une. Mais bravo, Guylaine! Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Dani. Je suis très surprise, émue et très heureuse. Ben, c'est bien mérité. On sent ton émotion à la voix, là. Ben oui, c'est vraiment inespéré. Je pensais... Bon, j'essaie d'être présente à CKRL même quand je n'anime pas. J'aime beaucoup aller aux émissions de lancement pour revoir les gens, parce que CKRL, c'est pas seulement un lieu pour faire de la radio, c'est un lieu pour connaître des personnes, souvent des personnes qui nous ressemblent. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'essaie d'écrire, hein, j'ai un côté créatif, alors j'avais la chance à la radio de rencontrer beaucoup de créateurs et de parler de création avec eux. Ça m'a nourri pendant des années. Et encore aujourd'hui, je vous dirais que mon cercle d'amis est composé en grande partie de gens que j'ai connus par CKRL, dans mes émissions ou en dehors, mais autour de cette communauté. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et quelque chose qui est important pour moi dans tout, c'est le travail de la mémoire. On cultive pas ça assez. Et ça veut dire, en d'autres mots plus simples, on ne t'oublie pas, Guylaine. merci beaucoup, Denis. Et pour moi, CKRL, c'est toujours très présent. Il n'est pas dit que je reviendrai animer un jour. Un jour pas si lointain, éventuellement, on verra. Je suis toujours active professionnellement, toujours très très occupée, mais ça reste là, ça reste dans mon cœur et dans ma vie. Et vous êtes tous des gens précieux pour la ville de Québec, pour la communauté radiophonique, mais au-delà de ça, je sais que chacun d'entre vous croit à cette radio et aux radios communautaires qui sont libres, qui sont un contrepoids à ce qu'on entend et à ce qui se passe parfois autour de nous qui nous plaît moins. Moi, j'ai toujours milité pour ça et la Radiothon, c'est une bonne occasion de le faire parce qu'on peut le faire en personne, on peut le faire en argent, on peut le faire de différentes façons, soutenir CKRL. Et je vous remercie vraiment beaucoup de penser à moi et de m'inscrire sur votre mur. C'est vraiment très, très... c'est un bon moment pour moi. Ben, tout en te félicitant et en te remerciant d'avoir été avec nous, Guylaine, aujourd'hui, j'aimerais souligner une des plus belles contributions, selon moi, de Guylaine au comité de programmation duquel j'étais membre. C'était son souci de la qualité de la langue sur les ondes de CKRL. Oui. Et donc, pour ça, je te remercie et je crois que tous les animateurs et animatrices de CKRL te remercient pour ce travail magnifique que tu as fait par l'entremise, entre autres, du comité de programmation pour la qualité de la langue à CKRL. Donc, merci, Guylaine. Merci beaucoup, messieurs, et au plaisir de se retrouver bientôt. Au plaisir, Guylaine. Au revoir. Donc, on va continuer cette émission avec un petit pont musical avant de retrouver une autre invitée, Barbelle Rinck, dans quelques instants. On va écouter le nouveau simple d'une artiste de Québec, Ariane Roy, qui, sans le savoir, est de circonstance, la pièce « Bonne fête ». J'étais jeune et triste, aujourd'hui je suis moins lucide. Et non, je ne changerai pas. J'écris la même histoire, je change le rythme. Je ris quand je pleure, De retour à l'émission anniversaire de CKRL 89.1, 13 février 2026. Bien sûr, je le redis, l'anniversaire est le 15 février, mais nous le célébrons aujourd'hui en cette journée mondiale de la radio. Jean-Sébastien Doré avec vous, accompagné de Danny Fortin et de Denis Lelièvre. On va poursuivre cette émission spéciale en parlant à une autre ancienne, ben même pas ancienne en fait, elle est toujours avec nous, une personne qui a beaucoup contribué à CKRL comme artisane depuis la décennie 2000. Nous avons en ligne Barbel Rink. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, je suis avec vous, mais je ne suis plus avec vous depuis l'été. Okay. C'est vrai que j'ai arrêté, en tout cas j'essaie d'arrêter, mettons. Mais de la façon dont tu t'es impliqué, tu es avec nous à jamais. Oui, ça je sais, Denis, que toi tu voudrais bien ça, qu'on suit tous ton exemple. Mais t'es pas dans le même courage que toi. T'es pas dans le cloud ou le nuage, t'es quand même encore à proximité, je dirais. Oui, et c'est facile de me convaincre d'être avec vous aujourd'hui. D'accord. Donc, Barbel, à CKRL, les bouquins d'abord, bien sûr. Ben pas juste ça. Moi, j'ai d'abord, je vous écoute depuis 87 à Berlin. Des amis qui envoyaient des cassettes à mon chum. Mm-hmm. Hein? Fait que vous avez rayonné jusque là. Et moi, je suis arrivée en 91 et à partir de 2000, j'ai participé à La Vie en prose d'Antoine Tanguay. Je ne sais pas si vous allez lui parler. Jusqu'à la fin de l'émission, après, j'ai fait avec Éric Simard Ancrage. Où à un moment donné, lui était animateur, après c'était moi l'animatrice. En tout cas, on s'est renvoyé la balle une couple de fois. Et effectivement, à partir de 2013, j'ai fait les bouquins d'abord jusqu'à 2020. Et après ça, j'ai contribué à l'émission de Caroline Stephenson le matin. Il faut pas oublier ton animation. En sortie au Salon du Livre, je pense 3 années d'affilée, peut-être 2013-14-15, plusieurs fois même. Ça, c'était des beaux marathons et ça fait vraiment partie de mes beaux souvenirs de faire 5 jours de suite, 1h30 d'émission avec 7 à 8 entrevues. Oui. Je lisais, j'étais comme dans les 35-36 entrevues par salon et j'avais lu tous les livres. J'étais tellement contente de moi après ça. C'est un beau sentiment d'accomplissement. Barbel, lorsqu'on parle d'une émission, un magazine littéraire qui a lieu de façon hebdomadaire, ça veut dire que oui, Barbel est à l'animation, mais également multitude de chroniqueurs, chroniqueuses qui participent à l'émission. C'est quand même beaucoup. Oui, mais effectivement, j'avais une très grande équipe d'une quinzaine de personnes. D'ailleurs, j'avais aussi des co-animateurs. Il y a Olivia Vu qui a aussi 6 semaines animé une émission jeunesse. René Bolduc qui aussi aussi 6 semaines a animé une émission que sur des essais, et les 4 autres émissions, donc ce cycle de 6 émissions, c'est moi qui les animais, c'était des émissions où on avait commencé avec 1 heure, après c'était 1h30, ça roulait vraiment bien, on avait à chaque émission des invités, on traitait de sujets qui n'étaient pas traités nulle part, comme la poésie, les événements littéraires, on allait chercher même des actualités littéraires, quel film est sorti de ça, quel livre. Sans une équipe de autant de gens, j'aurais jamais pu faire ça. Parce qu'on avait évidemment tous des jobs à temps plein. Hein, Qu'est-ce que représentait pour toi là, d'animer une émission littéraire? Ce que je veux dire, c'est que ça peut être parfois très pointu, très niché, ça peut le demeurer en partie, mais je pense que tu avais un souci en bonne communicatrice de vulgariser, de rendre accessible le propos de tel roman, de tel livre? Ben, mon premier souci, je te dirais, c'est parler de littérature québécoise. On a parlé de littérature à d'autres niveaux, mais les bouquins d'abord, je te dirais, ça arrivait que pendant des semaines qu'on ne parlait pas d'un livre américain ou français et qu'on se concentrait vraiment sur les sorties québécoise. Et ça, je sais que le milieu du livre a été très content de ça aussi, parce qu'on a un super milieu ici au Québec. Et CKRL, Radio Culturelle, c'était à nous de le mettre en avant. Ça fait que c'est surtout ça. Et évidemment, tu as raison, c'était de la vulgarisation. C'est pour ça que, comme de la poésie, moi, ça me tenait beaucoup à cœur, parce qu'il y avait un peu les gens me disaient « Ah oui, mais la poésie, je comprends jamais rien. Ouais, » ouais. Et avoir des gens avec moi qui connaissaient beaucoup mieux ça que moi, premièrement, pour ne pas nommer Vanessa Bell, et on invitait des poètes et on lisait des trucs en ligne et les gens comprenaient que ça les touche tous. Ça me fait penser au travail que décrivait juste avant Guylaine Saint-Pierre pour le jazz. C'est-à-dire explorer et puis faire la transmission entre les créateurs et le public. Être une espèce de courroie de transmission. Oui. Ah, C'est exactement ça. Et en même temps, pas y aller avec la facilité du style, le plaisir de lire. Parce que rendu là, ben, les Harlequins feraient la job, hein. Oui. Et c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment rapprocher des œuvres des gens. Barbel. Et je pense qu'on l'a bien réussi. Barbel, donc, tu as à cœur CKRL, tu as été présente de façon régulière, tu as collaboré également avec Caroline dans l'émission du matin. Mais nous également, on a à cœur Barbel Ring parce qu'on en profite aujourd'hui pour te féliciter et te mentionner que tu es nommée sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Oh, ça c'est touchant. Merci. Sérieux, ça me touche. Pour moi, ça c'est un accomplissement aussi de la petite immigrante que je suis. Déjà de faire la radio en français, mais être sur le mur. Merci. On te félicite. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Moi, je suis très mauvais dans les remerciements. Désolée. Je pourrais remercier mes parents, mon chum, mes enfants, mais... Mettons que je suis vraiment honorée. Merci. Mais c'est de l'émotion dont tu parles. C'est comme on le disait pour Guylaine tantôt, là. C'est comme si on se réunissait, on dit, bon, on est ensemble pour la vie et on ne t'oublie pas. Il y a comme un continuum encore, cette expression-là, qui va depuis ceux qui ont initié cette radio et je dirais jusqu'à ceux qui la feront vivre dans quelques années encore. Oui, j'espère. J'espère aussi que j'ai donné le goût parce que les bouquins d'abord, ça a été aussi une école pour beaucoup de gens qui n'avaient jamais eu un micro. Et je sais qu'il y en a des jeunes qui ont persisté, qui ont fait la radio ailleurs, des fois chez nous, des fois ailleurs. Et ça, c'était aussi, d'après moi, dans l'ADN de CKRL de faire ça. Tout à fait. À la relève. Félicitations encore, Barbel Rank. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir et tout un honneur. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission 53e anniversaire de CKRL. On se retrouve dans quelques instants. Aujourd'hui, le 13 février, c'est la journée de la radio. Salut, je suis ta radio. Je suis ton téléphone et je contiens des applis radio. Et des milliers de photos, j'imagine. Toi, la radio, tu fais défiler les meilleures images. Tu vois, un éléphant sur un trampoline dans un océan de caramel. Wow! Quelle pub! Et la radio demeure la source la plus fiable pour les nouvelles locales. Les plateformes de musique en continu ne t'avisent pas lorsque les écoles sont fermées. Tu n'es pas juste un téléphone, tu es un téléphone intelligent. Ah, je t'aime, radio. Et la radio t'aime aussi. C'est ça, l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans rien attendre en retour. Avec passion. BAEQ par-ci, BAEQ par-là, tu engendras dans la douleur le petit odet. C'est la tour de Babel dans mon OBNL, ce qui fait qu'on a... Et rythme. Au Théâtre Périscope, chaque histoire se raconte à sa façon. Consultez notre programmation théâtrale en ligne au théâtrepériscope.qc.ca pour une découverte culturelle captivante. Le festival Le Focoff est de retour à Québec du 13 au 21 février prochain pour sa 12e édition. Présenté par Sirius XM, cette grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la capitale avec près de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Gabé, Afternoon Bike Ride, Laura Nikwe, Mess et Wizard. Tous les détails au fuckoff.com. Le mardi 17 février de 14h à 16h, le Centre des congrès s'animera au rythme des Entrées libres rideaux 2026. Sortie culturelle vous propose une émission spéciale en direct animée par Pamela Bisson où seront à l'honneur la chanson, la danse, la musique, le théâtre et le cirque. Soyez à l'écoute! découvrez l'histoire sensible et lumineuse de Les Blouses du Bleuet, une ode à la mémoire, au territoire et aux liens qui traversent le temps. Dans un ballet de gestes répétés, les langues se délient, tissant une toile où se mêlent confidence, rire et larmes. Les Blouses du Bleuet célèbrent un territoire et les personnes qui s'y relient à travers les générations et les cultures. Ensemble, elles apprennent à se réinventer comme les Bleuets renaissent des forêts brûlées. Les Blouses du Bleuet de Andrés Livov au cinéma dès le 27 février. Grâce à Poil et Plume, votre animal de compagnie se sentira heureux. Poil et Plume, une animalerie de quartier, vous offre de la nourriture pour votre chien, chat, vos oiseaux et rongeurs. Des accessoires pour l'hygiène de votre animal, de la litière agglomérante d'argile et bien plus. Vous recherchez une nouvelle diète pour votre chien ou chat? Chez Poil et Plume, retrouvez les produits From, Boréal, Go et bien d'autres. Un service de livraison local. Poil et Plume, des conseils à profusion par des gens d'expérience et passionnés. 569 3e Avenue à Limoilou et 770 rue Saint-Jean. Suivez-nous sur Facebook. C'est l'émission 53e anniversaire de CKRL qui se poursuit. Jean-Sébastien Doré avec vous, accompagné de Denis Fortin, directeur général de CKRL, et de Denis Lelièvre, animateur depuis les premiers jours, depuis la première émission, le 15 février 1973. Mon nom est Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation et directeur musical, bien sûr. Pourquoi les gens me connaîtraient plus, bien sûr. On va continuer tout de suite. On a une invitée en personne, en studio, la seule de l'émission. On va en profiter. Une invitée associée, une ancienne employée associée à la décennie 2000. donc, elle a été directrice de la programmation, donc une prédécesseur à moi d'il y a quelques années. Marjorie Champagne est avec nous. Hé, je suis tellement contente d'être là! C'est parce que là, il y a des choses qui se placent dans la vie parfois qui sont phénoménales. Et là, on parle de l'anniversaire du jour de la radio, c'est aujourd'hui. Oui. L'anniversaire de CKRL. Mm-hmm. C'est ma fête! Oh! Aujourd'hui! Le 13! Oh! Oui, j'ai 48 ans. Wow! Et j'ai commencé à faire de la radio à CKRL dans les années 2000 et c'était le 33e anniversaire en 2000, justement, il y a quelques années. Puis il y avait une promotion qui roulait, puis c'était DIT 33. Puis là, ça faisait DIT 33, comme une espèce de glitch de disque, là, vraiment de vinyle. Puis je pense qu'il y avait eu un spécial d'une journée où on faisait jouer des 33 tours. Oh. En tout cas, quand même, là. C'est notre genre, on va dire ça. Donc, il y a plusieurs anniversaires à souligner aujourd'hui. Merci de m'inviter. Bonne fête. Moi, c'est comme un signe, là, le jour de la radio, c'est ma fête. Non, mais il faut le faire quand même. C'est bon. Écoute, toi, je pense que tu es devenu spécialiste un petit peu des émissions, des quotidiennes, entre autres celles du matin. Oui. Ici, d'abord. Oui, j'ai commencé avec l'animation du matin, puis ça, c'est toute une aventure. Ça a quelque chose de spécial. Ça, en quoi c'est toute une aventure? En fait, moi, j'étais pas prédestinée à travailler dans les médias. J'avais un bac en arts plastiques et théâtre, en enseignement, et un été avec des consoeurs, dont Catherine Ève Gadouri, que je salue, on avait fait une émission qui s'appelait Toc Toc Culture, un été. Puis on s'était dit, on va parler de culture, vu qu'on venait du domaine des arts plastiques, puis du théâtre, on voulait poursuivre notre mission autrement qu'en enseignant, donc en démocratisant, en parlant de culture. Fait que Toc Toc Culture était notre première émission. Et une porte s'est ouverte pour moi. On m'a, gentiment dit, il y a une place qui se libère à l'intérim pour le matin. Donc, est-ce que tu voudrais faire quelques jours le matin? Moi, j'étais censée enseigner. Là, j'avais fini mon bac en enseignement. Puis j'ai dit, mais quelle offre extraordinaire! Je peux pas croire! Puis là, j'avais sauté à pieds joints dans ça. Puis j'avais dit, pour l'anecdote, pour la petite histoire, j'avais dit pour me rassurer à mon père qui avait déjà fait de la radio, est-ce que tu veux faire l'émission du matin avec moi? Puis je pense qu'on a fait ça pendant 2 jours semaine, puis il y avait comme une rotation au début. Donc, je venais ici avec mon papa faire l'émission du matin à CKRL. Puis après ça, je l'ai faite toute seule pendant un bout de temps aussi. Puis après ça, j'ai été directrice de la programmation. Champagne, ça me dit quelque chose. Moi, j'écoutais toutes les radios AM partir de l'âge de 5-6 ans. C'était pas Louis, son prénom? Oui, bien ça, c'est pas mon père. C'est mon pas le oncle, même. C'est mon oncle. Bon, ben quand même. Ouais, dans la famille, on n'est juste pas dans le même spectre politique, là, moi puis Louis. Ah là, on ouais, est ça, pas c'est du important. Même, on n'est pas du même bord. On va peut-être les fleurir. Mais on s'aime pareil. Mais c'est une émission, une quotidienne comme ça, comme celle du retour à la maison, ça suppose, bon, dans ton cas, physiquement, de se réveiller de bonne, de se lever de bonne heure, mais en plus de coordonner des chroniqueuses, des chroniqueurs, et de faire des liens, et ça, pas juste une journée par semaine, 5 journées d'affilée. Oui, et là, c'est là que se crée la chimie, parce qu'on doit avoir des chroniqueurs, chroniqueuses bénévoles qui nous aident, puis là, ben tu travailles avec eux, puis là, c'est la passion, eux, qui les mènent, là, parce qu'ils n'ont pas de salaire, là. Fait que là, il faut que tu réussisses à travailler avec cette équipe-là, puis il faut que tu la gardes, parce que c'est précieux, parce qu'ils t'apportent de l'aide, puis faire une quotidienne matinale seule, c'est quand même du stock, on va se le dire, là. Fait que, bref... j'avais aussi des recherchistes bénévoles à un certain moment donné. Je m'étais entourée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc oui, c'est un peu le secret du succès. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ont un intérêt, qui ne demandent que ça. Et puis c'est quand même gênant et intimidant, la radio. Je connais des gens qui sont plus à l'aise à la télé qu'à la radio. Ouais. Et puis tu deviens, ou on t'offre à un moment donné, la responsabilité de la programmation. Oui. Ça, c'est un autre type de défi. J'en revenais pas. J'en revenais pas, mais là, moi, je me disais quelle belle opportunité, mais là, je connaissais pas grand-chose, mais c'est ça la beauté. Tantôt, c'est Berbel qui parlait de l'école CKRL. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est merveilleux de pouvoir apprendre son métier en le faisant. Moi, j'ai souvent dit, j'ai fait 2 bacs, un en enseignement des arts plastiques et du théâtre, et un à CKRL. Donc ça, c'est mon 2e bac. Puis je suis restée, je pense, 5-6 ans, donc c'était un bac peut-être un peu prolongé, mais tout ça pour dire que c'est vrai qu'on apprend sur le tas. Puis je pense que si j'écoutais les émissions que je faisais à l'époque, je pense que j'aurais... Ouais, c'est ça, peut-être je me boucherais un peu les oreilles, mais j'ai appris sur le tas. Donc c'est ça qui est beau, je me souviens plus de ta question. La question, c'était ça, coordination de la programmation. Oui, c'est ça, la parce que tu avais une vision, tu avais des idées. Il s'agit d'être responsable de chroniqueurs, des animateurs, puis qui sont bénévoles. Ouais. Mais aussi, il faut garder le fil conducteur. On parlait avec Dani tantôt, il y a une émission originelle. Et puis, c'est un lieu de discussion, donc il peut y avoir de nouveaux points de vue. Ouais. C'est tout ça que tu es appelé à coordonner. Tu peux être « challengé », entre guillemets. Un petit peu. Tout à fait. Oui, oui, c'est un grand défi quand même de pouvoir justement maintenir une espèce de ligne éditoriale oui, aussi. C'est ça, un fil qui peut verser de tous les côtés. Il y a des personnalités fortes aussi quand même qui viennent au micro parce que pour prendre le micro souvent, c'est parce qu'on a des choses à dire. Donc, on ne les dit pas juste au micro. Des fois, on le dit à la directrice de la programmation puis on s'affirme. Des fois, c'est mieux de le dire avant à la directrice oui, de la programmation. C'est sûr. Fait que oui, effectivement que c'est un exercice d'équilibre, mais je pense que le secret, c'est de considérer que tout le monde a une approche différente puis de respecter tout le monde dans son créneau respectif. Puis les gens sont tellement bons dans ce qu'ils font à CKRL, dans le sens où tout le monde est spécialiste d'une musique ou d'un genre musical. Les gens prennent ça à cœur, les gens se préparent pour vrai. Tu sais, c'est pas de la petite bière, comme on dit. Là. Puis, Dani, je pense qu'on ne sortirait pas nécessairement du sujet, mais dans la mesure où on dit ça peut préparer pour autre chose, entre autres dans le même domaine, il y a des gens ici qui ont été tentés par l'action politique. Et peut-être qu'ils y seraient parvenus sans avoir fait de la radio, mais aussi, je suis à peu près sûr que tu vas être d'accord, que l'expérience radio ici t'a construit, aidé à construire ton identité pour être sûr de toi dans ces nouveaux défis, quoi. Bien, tout à fait, au niveau des communications, ne serait-ce que ça. Puis de comprendre, quand on est directrice de programmation aussi, on comprend comment ça fonctionne, tout le système des relations de presse, parce qu'on reçoit tous les communiqués de presse, on fait des affectations, on les envoie aux différents bénévoles. Puis là, on comprend là, toute la machine. Puis tu reçois des communiqués de presse des instances politiques aussi. Fait que là, tu les décodes. Puis là, il y a une annonce là-bas, on y va dessus. on le fait, ça vaut-tu la peine d'être couvert? Puis c'est un apprentissage aussi médiatique et politique. Puis le fait aussi d'avoir animé le matin, ben tu lis l'actualité, tu lis les journaux, donc tu t'informes de façon assez assidue à chaque matin. Donc c'est sûr que, oui, c'est sûr que sans CKRL, je ne serais pas où je suis maintenant et je ne me serais pas présentée probablement aux élections municipales. Je pense que c'est de ça que tu parlais. Bien sûr! Oui, puis comme tu mentionnes, Marjorie, justement, la beauté d'une station comme CKRL, c'est que tu es arrivé ici et là, tout ce que tu as nommé, tu t'attendais pas à ça du tout. En tout. Parce que tu venais pour animer une émission estivale. Ouais. Et par la suite, animation de l'émission du matin comme employé de CKRL, directrice de la programmation et tout ça. Donc Moi, je dois beaucoup là, à CKRL. Là, puis je dois beaucoup parce que c'est CKRL qui m'a permis de me développer, mais aussi en tant que professionnelle, mais aussi qui m'a permis d'avoir un nouveau domaine, finalement, de me dire « Ah, finalement, l'enseignement, non, c'est plus ça. » Fait que ça a réellement été formateur pour moi. Puis comme tu dis, Dani, c'est comme si, à un moment donné, il y avait des offres qui se présentaient que j'avais pas ressenties. Puis là, je faisais comme « Ah, moi y aller. OK, moi faire ça. » Puis bon an, mal an, ben t'as d'autres offres après qui te mènent vers Télé-Québec, vers Radio-Canada, puis là, ben finalement, à un moment donné, tu te rends compte, ben coudonc, je fais vraiment de la radio pour vrai, moi, là, je suis payée, c'est le fun! Marjorie, je te dirais que lorsque je reviens en arrière, dans le début des années 2000, ta présence à CKRL a été importante. Elle a été très importante, puis lorsqu'on parlait de CKRL dans le début des années 2000, ton nom, ton apport, ta passion de CKRL, ta passion des médias revenait souvent, les gens m'en parlaient. Marjorie, c'est à la directrice de programmation, Marjorie est là le matin, Marjorie est présente. Ça me touche vraiment donc, beaucoup, vraiment. Puis, donc, CKRL, pour toi, a été important, mais tu étais également importante pour CKRL. Puis pour cette raison, on est très fiers de te nommer sur le mur de la reconnaissance. Oh, ça me fait des frissons! C'est trop smart! Oh, wow! Je suis vraiment touchée. Vraiment touchée parce que quand je pense à tous les amis, d'ailleurs, Denis, on se voit souvent, puis on se jase ça, puis je veux dire, c'est drôle parce que j'ai connu, entre autres, l'historien Jean Provencher, qu'on connaît, que j'ai interviewé ici. Il m'a appelé tantôt pour ma fête. Lui, je suis ça, rigoureusement. J'ai reconnu tout de suite sa voix parce qu'il a tellement une voix typée, là, Jean Provencher. « Bonne fête, ma chérie! Comment tu vas? » Hey, merci, c'est vraiment un bel honneur, puis... comment dire, j'aurais aimé, on dirait que ça fait quand même un bout de temps là, que j'ai été directrice de la programmation, mais on dirait que j'aurais aimé faire ça avec plus d'expérience. Tu sais, j'étais quand même nouvelle, puis je me dis, je pense que j'aurais été nécessairement meilleure, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais à l'époque. Mm-hmm. Fait que tant mieux si les gens ont trouvé que j'avais fait une bonne job. Tant mieux. On défriche. Parfois, on est à l'état de défricheur. J'étais jeune, pareil, là, tu sais, début trentaine, là, c'est ça. Mais en même temps, cette jeunesse-là, la créativité, tout ce que tu as apporté à CKRL, c'est pas négligeable. J'avais un dynamisme. Il est encore présent, je pense. Oh oui, il est encore là. Il est encore là. Ouais, puis le paysage radiophonique change quand même rapidement. Ça ressemblait à quoi une journée ou une semaine dans la vie de la directrice de la programmation il y a tout près d'une vingtaine d'années? M'intéresse personnellement, par bien sûr. Par rapport au paysage radiophonique? Non, mais ta journée typique auprès des bénévoles, auprès de la direction, ça ressemblait à quoi? Moi, je parlais beaucoup à Daniel Marcoux. OK. Oui, ça me fait de quoi de penser à lui, parce qu'il était juste en avant de moi. Son bureau était en avant de moi, donc je voyais toujours son grand dos. Là. Il était quand même assez grand, Daniel. Oui. Oui. Puis on jasait beaucoup ensemble, on réfléchissait beaucoup à... T'sais, quelle toune on va mettre de l'avant. Puis là, il me disait toujours, garde, j'ai reçu ça, là, tel album. Puis là, la fille de la promo est venue me porter ça, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, on se disait, ah, les émissions de folk, là, le soir, ouais, ça marche bien. Puis là, on va donner ça à tel animateur. Puis on parlait beaucoup avec Daniel Marcoux. Puis on jasait beaucoup. Il y avait un bel esprit d'équipe quand même. On se parlait, on partageait des idées. C'était vraiment effervescent, pour vrai. Il y avait vraiment quelque chose de... C'était en ébullition, puis c'était Nancy Gagnon à l'époque. Nancy était à la direction générale. Il y avait une ambiance de fou, là. Tu sais, je veux dire, Nancy aussi, elle était drôle, puis elle prenait à cœur la mission de CKRL. Puis on était les deux dans la trentaine, je pense. Donc, tu sais, c'était l'énergie du début de carrière, là. On voulait, tu sais, comme créer des nouvelles choses. Puis je me souviens même qu'il y a eu un projet, moi, qui m'a marqué, qu'on avait fait pour le Radioton, qui se déployait un peu dans la ville, là, à un certain moment donné, on avait créé une disco baby. On avait appelé ça la disco des bébés. Dans le sous-sol du cercle, on avait fait appel à Cooksasville, des artistes en art visuel, puis nous avait bâti une espèce de cube dans lequel les bébés pouvaient rentrer, puis là, on mettait de la musique, puis là, ils dansaient. Puis ça, c'était en lien avec le radioton. Fait que c'était le genre d'idée pétée. C'était éclaté. Ouais, ça, on était allé loin là-dessus. Fait que c'était un peu comme ça que je pourrais décrire l'ambiance à l'époque à CKRL. Quand même, les radiotons. As-tu des anecdotes de radiotons dans le plus léger? Hey, oui, j'en ai une. Je vais te raconter une affaire. J'ai eu peur. Es-tu racontable? Oui, mais okay. J'ai eu peur cette fois-là. J'ai eu peur parce que les porte-paroles du radioton, c'était à l'époque, une des années que j'ai fait le radioton, qu'on s'en occupait, là, c'était les trois accords. Okay? Okay. Mm-hmm. Puis là, les trois accords arrivent, puis on avait décidé qu'ils faisaient un show live dans le studio pendant genre 2 heures. Là. Oh. Mais là, Daniel... qui était pas Daniel Marcoux, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, bref, lui, il a un peu capoté, puis c'était normal parce que c'était trop gros. Ouais. À la technique, c'était vraiment comme too much, puis moi, j'étais un peu naïve là, à l'époque, fait que en je comprenais... En studio, oui, c'était beaucoup. Mais moi, j'étais naïve! Fait que je trouvais ça merveilleux, un show de 2 heures, mais j'avais pas réalisé tout ce que ça prenait comme branchement, puis système, puis là... L'autre, il s'arrachait les cheveux de sa tête. C'était pas là, dénoyé, son nom? Mais je me sentais mal. Daniel Drolet. C'est ça. Ah oui? Ah, Drolet, OK. On le salue, mais je me sentais tellement mal, je le voyais, puis j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait là? Finalement, ça a marché. Ils ont joué, puis ça a fonctionné, puis le son, il était correct, mais tu sais... En tout cas, je pense que j'avais mis trop de pression sur les autres. Mais ouais, c'est une anecdote. C'était le fun. Est-ce que les artistes étaient catastrophés de voir ça aller une fois rendu ici? C'est pas leur genre, je pense. Je pense qu'ils étaient habitués de faire plein d'affaires dans des contextes différents. C'était très serré dans le studio, par contre. Et qu'on avait chaud, là, les fenêtres étaient embuées, là, ça n'avait pas de bon sens. On l'a agrandi depuis ces années-là. Oui, je pense que ça rentrerait davantage. Oui. Bon, ben merci d'avoir été avec nous, Marjorie. Ben, félicitations encore pour cette... merci. Intronisation au mur de la reconnaissance. C'est un nouveau poste également, là. Oui, ben là, je travaille à École Ensemble, qui est un mouvement... Parle-nous-en 2 minutes. Ben oui, rapidement, c'est un mouvement qui lutte contre la ségrégation scolaire. Donc, vous connaissez sans doute l'expression « école à trois vitesses ». Donc, nous, on est vraiment dans une mission, justement, de faire connaître les impacts de la ségrégation scolaire. On parle des différentes formes d'école, école privée, programmes particuliers au public, puis les programmes réguliers. Donc, il y a des sélections qui se font par les notes, il y a des sélections qui se font par l'argent, puis les conséquences de ça, souvent, c'est que le régulier ou l'école, les jeunes vont dire des fois, moi, je suis dans rien. Tu sais, je suis dans rien, c'est-à-dire, je suis pas dans la spécialisation dedans, je suis pas au PEI, je suis dans rien. Et ça démontre beaucoup, dans le sens où c'est dévalorisant. Puis toute cette dynamique-là, elle est crème, en fait. Ce qu'elle fait, c'est que bon, les programmes particuliers et le privé viennent chercher les plus performants, puis on se retrouve avec des gens plus faibles au régulier. C'est pas le fun pour personne. Pas le fun pour les profs, pas le fun pour les élèves. Donc, je travaille là-dedans. Donc, c'est avec ça. Avec le même dynamisme. J'ai fait mon petit speech. Avec le même dynamisme qu'on te connaît. Ben oui, puis là, je reviens à l'enseignement avec ça. Oui, c'est vrai. Hein? J'ai mon bac en enseignement, on revient. La boucle est bouclée. Bon, puis après, tu pourras venir nous faire un tour ici. Ben j'espère. J'habite pas loin. T'habites pas loin. Tout se passe à 3. Ben oui, un petit retour au micro. J'ai on a des collègues ici, des informateurs ici qui m'ont dit, pour ne pas le nommer David Rochette, qui m'a dit peut-être que Marjorie serait intéressée à collaborer à tel ou tel projet. Je dis, oui! Moi, j'y croyais pas. Oui, mais... écris-moi n'importe quand. Ah, OK, bon, ben, c'est noté. Ça, c'est noté en c'est majuscule. C'est plus que noté, c'est même enregistré. C'est bon, c'est enregistré, c'est en direct. Oui, moi, je suis motivée, puis je suis juste là, juste en face. C'est fou. Merci d'avoir été avec nous, Marjorie Champagne. On va écouter un court extrait d'une pièce, écoutez, un nouveau simple de Mal-aimé Soleil, thématique Saint-Valentin qui a lieu demain. L'amour en sang, on revient dans quelques instants avec notre invité, André Racine. Moi j'ai l'amour en sang, j'ai l'amour en sang. Qu'après l'avoir vu mourir dans l'appartement, moi j'ai l'amour en sang, j'ai l'amour en sang. Et je ne suis parti qu'après l'avoir vu mourir dans l'appartement. J'ai mouillé toute vous êtes toujours à l'écoute de l'émission 53e anniversaire de CKRL 89.1, CKRL qui a pris les ondes le 15 février 1973 avec Denis Lelièvre, ici présent au micro. Je suis aussi accompagné de Danny Fortin, directeur général de CKRL. Mon nom est Jean-Sébastien Doré. On poursuit nos petits entretiens avec des collaborateurs de toutes les époques de CKRL. On a en ligne une employée, j'ai ça dans mes notes, là, je la connais pas bien sûr personnellement, une employée emblématique de la décennie 80 ici à CKRL, André Racine. Bonjour Madame Racine. Bonjour messieurs, bonjour, merci de l'invitation. Bonjour André, c'est Denis qui parle, comment vas-tu? Allô Denis, ça va bien, merci, oui. Je suis contente de t'entendre, oui. Moi, ben oui, je suis contente de t'entendre. Et puis en cette journée-ci, de témoigner de ton apport, de ta contribution, dans une époque charnière, milieu des années 80, tu nous le préciseras, époque qui n'était pas sans difficultés de tous ordres. Et puis, rappelle-nous un petit peu ce que tu as fait en donnant les repères des années et tout ça. Je suis arrivée à la station tout début des années 80 sur l'émission du matin avec Jeanne Bouchard. Et à ce moment-là, je faisais la recherche pour Jeanne. Et j'ai poursuivi après comme bénévole avec, à l'époque, de Pierre Mathieu, qui était directeur des programmes. Oui. Et avec son frère Jean, on avait une émission le mardi après-midi. Ça s'appelait Les Arcs-en-Ciel d'après-midi, une émission musicale. On a fait ça pendant quelques années. Et par la suite, ben j'ai poursuivi comme bénévole avec entre autres les émissions en soirée. Et je crois que c'est 86, oui, j'ai été à la direction de la programmation. Les années 80, en fait, c'était beaucoup des années de consolidation. Hein, consolidation oui. Avec entre autres les compagnies de disques. Quand j'étais directrice des programmes, moi, je mettais beaucoup l'accent sur le lien avec les maisons de disques. Bon, d'une part, parce que ça nous permettait d'avoir des entrées régulières d'albums. Et ça ouvrait aussi la porte pour que CKRL soit sur l'itinéraire des artistes qui faisaient leur promotion. Et c'est comme ça qu'on a eu plusieurs possibilités d'entrevues de fonds. Il y avait donc ce partenariat-là qu'on a consolidé. Et il y avait aussi avec les relationnistes, bon, je pense à Michel Brazeau, malheureusement décédé, à Guy Laforce, à Paulette Dufour, qu'on connaît tous, à CKRL. Et avec l'équipe aussi du Festival d'été, qui fait en sorte qu'on a établi un partenariat pour des émissions en direct. Moi, j'ai commencé ma première émission en direct. C'était au Clarendon, une entrevue. C'était ma première sortie. C'était ma première entrevue avec un artiste de renommée parce que je faisais davantage d'émissions de choix musicaux. Et le premier invité en question, ben, c'était Renaud. Et j'étais un petit peu nerveuse, un petit peu beaucoup. Et je me souviens, c'est Claude Geoffrion, lui aussi malheureusement parti, qui faisait... Claude était directeur technique, tu te rappelles? On l'appelait Boom à l'époque, c'était Geoffrion. Et bon, je suis très confiance en Claude. Et voilà, je me sentais en sécurité, mais quand même, comme je disais, nerveuse. Et j'ai commencé ma première question à Renaud, et c'était une très, très, très, très longue question. Et Renaud m'a regardé et il m'a répondu oui. avec quelques secondes de silence. Et là, j'ai entendu la voix de Claude dans mes écouteurs qui m'a dit « Moi, longue les questions. » Et j'ai vu dans les yeux de Renaud une malice, une coquinerie. Oui. Et après le stress est tombé et ça a très bien été. Et le lendemain, d'ailleurs, l'agent de Renaud appelait à la station parce que Renaud demandait que je fasse la présentation de son spectacle sur la scène du Pigeonnier. Et ça a été le début pour moi de plusieurs entrevues comme ça avec Bachung, avec Lerita Metsuko, etc., etc. Donc, oui, les années 80, pour moi, ça me rappelle une époque où on était en ébullition, où la chanson elle-même, la chanson francophone d'ici avec Séguin, avec Flynn, avec Rivard, et en France aussi, le rock français changeait un peu, la chanson française aussi. Donc, c'est un peu l'image, les souvenirs que j'ai de cette époque-là. Tu as travaillé de près avec François Desmeules, il me semble. Avec François aussi. On a fait des émissions ensemble en soirée. François était aussi un des acteurs de CKRL qui faisait beaucoup d'entrevues de fond aussi. Donc, on en a préparé aussi ensemble. Et bien sûr aussi, dans les années 80, ben, c'est Danger Culture. Avec une très belle équipe, Bernard Gilbert avec qui je co-animais, Jean-Pierre Bédard, Éric Etter, Marc Gourdeau, c'était... Dans Danger Culture, il y avait à l'époque des émissions en sortie, mais je ne me rappelle pas qu'il y en avait de façon régulière. Et je pense que, ceci dit sous réserve, je pense que Danger Culture a été une émission précurseur de ce qu'il y a maintenant à CKRL, des émissions en sortie, de façon régulière. André, tu mentionnes Danger Culture. Oui, c'était bien sûr l'émission culturelle hebdomadaire, mais par la suite, cette émission-là, oui, elle s'est déplacée en sortie, notamment au Foubar, un peu plus tard. Moi, j'ai commencé avec Danger Culture au Foubar. C'est au Foubar que j'ai fait. Je pense qu'on a fait 3 ans au Foubar à l'époque où moi j'y étais, et par la suite, ça s'est poursuivi aussi. Oui, et par la suite, ça a été au Sacrilège. Oui, effectivement. Oui. André, mais tu nous parles aussi des radiotons de ton époque, parce que tu as évoqué des vedettes françaises, mais vous aviez à peu près tous les nombres possibles. Je me souviens une année que sur Sainte-Ursule, donc au deuxième étage, il y avait Michel Rivard devant 30-35 personnes. Oui, les radiotons, on avait... J'ai rarement, dans les radiotons sur lesquels j'ai travaillé, je ne pense pas avoir entendu aucun artiste ou aucun agent d'artiste qui a refusé de se présenter. À tout le moins, les gens étaient en différé, mais la plupart étaient en présentiel, en présence. Mm-hmm. Et il y avait, je me souviens de Louise Forestier qui était à l'époque, on était sur Sainte-Ursule, au sous-sol, qui travaillait très fort à préparer son émission dans la discothèque. Je me rappelle de Clémence Desrochers qui était accompagnée de Paulette et qui disait « Paulette, où est Paulette? » Ce souvenir-là me fait toujours sourire. Oui, on a reçu à peu près, et à Danger Culture, et durant les radiotons, on a reçu en entrevue des artistes de tout genre. Et la plupart des artistes, je dirais, sont passés par CKRL, les artistes québécois et internationaux, comme je disais tout à l'heure. André, lorsque le comité qui s'occupe du mur de la reconnaissance se rencontre à chaque année, ce qui est bien important, c'est de faire revivre toutes les décennies de CKRL, que ce soit la première décennie des années 70, des années 80, 90, 2000, 2010, jusqu'à aujourd'hui, dans les années 2020. Et lorsqu'on s'est rencontrés justement avant les fêtes, il y a un nom qui est ressorti. Et ce nom, c'est André Racine. Donc, on est très fiers de t'annoncer que tu es officiellement sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Eh bien, je suis très touchée, je suis très émue, merci beaucoup. Comme quoi, les vendredis 13 apportent de belles surprises. Oui! Oui, ben écoutez, CKRL, pour moi, ça a été de vivre dans un environnement... à l'enthousiasme contagieux, très contagieux, et on le sent que c'est encore comme ça quand on écoute CKRL maintenant. C'est aussi une communauté, de partage de savoir, de connaissances, d'émotions, pas juste en ondes, à l'intérieur des murs aussi. Pour moi, CKRL, c'est la liberté, c'est l'audace, puis c'est la création, et je suis fière du passage que j'ai fait. Je suis partie à la fin des années 80. Je suis revenue ponctuellement pour des lancements de programmation, puis tout début des années 2000 avec Michel Henry pour encore une fois une émission en sortie hebdomadaire. Mais je vous dis un gros merci. Je suis fière d'avoir été dans la communauté de CKRL et d'y être encore par ce mur de reconnaissance. Merci d'avoir été avec nous. Bravo, André Racine, félicitations. Merci, et puis bon anniversaire à CKRL et longue vie. Oui, longue vie. Donc, on va faire une courte pause. On est de retour dans quelques instants à l'émission 53e anniversaire de CKRL. Aujourd'hui, le 13 février, c'est la journée de la radio. Salut, je suis ta radio. Je suis ton téléphone et je contiens des applis radio. Et des milliers de photos, j'imagine. Toi, la radio, tu fais défiler les meilleures images. Tu vois, un éléphant sur un trampoline dans un océan de caramel. Wow, quelle pub! Et la radio demeure la source la plus fiable pour les nouvelles locales. Les plateformes de musique en continu ne t'avisent pas lorsque les écoles sont fermées. Tu n'es pas juste un téléphone, tu es un téléphone intelligent. Ah, je t'aime, radio. Et la radio t'aime aussi. Salut, ici Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée nationale du Québec. On est actuellement en pleine période de renouvellement des baux. Pour les locataires, et il y en a beaucoup au centre-ville de Québec, c'est une période d'incertitude pendant laquelle les propriétaires peuvent hausser les loyers ou même forcer des évictions. La bonne nouvelle, c'est que les locataires ont des droits. Mais pour les faire respecter, il faut bien les connaître. Alors, je vous invite à consulter le site locataire.info pour en savoir plus. Parce que le logement, c'est pas un privilège, c'est un droit. Jean de Québec et Limoilou, ici José, votre fidèle fleuriste qui était sur la 3e avenue. Un petit mot pour vous dire qu'on ne vous a pas abandonné. Nous avons simplement déménagé. Maintenant situé au 599 rue Adanac, fidèle à nous-mêmes, nous offrons une qualité inégalée de fleurs coupées, des compositions innovantes, un service courtois, comme avant, et une livraison unique et personnalisée pour n'importe quelle occasion. Gardez vos proches et offrez le bonheur. José Fleuriste, votre fidèle complice dans tous vos événements depuis 1956. joséfleuriste.com. Du 15 au 18 février, avec les entrées libres, Rideau 2026 invite le grand public de Québec à découvrir une programmation variée. Chansons, musique, danse, théâtre et arts du cirque. Une trentaine d'artistes, groupes et compagnies de création présenteront des spectacles ou des extraits sur les scènes du Grizzly Fuzz, de l'Impérial Belle, du Palais Montcalm, du Grand Théâtre de Québec et du Centre Manivelle. Billets gratuits, réservation requise sur entreelibrerideau.ca. Vous cherchez des produits naturels pour votre santé? Des aliments biologiques de qualité, des fruits et légumes frais chaque semaine? Venez nous voir chez Alimentex, votre épicerie de quartier depuis 1959 à Québec. Des conseillers toujours prêts à vous aider dans vos recherches. N'oubliez pas, le premier mercredi de chaque mois, 10% de rabais vous sont offerts sur tous les produits à prix régulier en magasin. Venez vite nous voir au 1188 Première Avenue à Québec où nous serons heureux de vous accueillir. Visitez alimentex.ca. À la recherche d'une sortie culturelle? Envie de découverte en famille, en amoureux ou entre amis? Découvrez l'offre culturelle de votre région en un seul clic. Visitez ose.media et laissez-vous inspirer pour votre prochaine sortie. Du théâtre à la danse, en passant par la musique et les arts visuels. Ose.media est votre porte d'entrée vers la culture d'ici. Découvrez, vibrez, osez. L'émission 53e anniversaire de CKRL se poursuit. Je m'appelle Jean-Sébastien Doré, directeur de la programmation de CKRL et je suis accompagné à l'animation de Denis Lelièvre, animateur émérite de la station. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Sébastien. Et toujours de Danny Fortin, directeur général de CKRL. Salut Danny. Bonjour. Alors, ça va vite cette émission-là, ce n'est que 90 minutes et peut-être quelques miettes. Et vraiment, les discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est vraiment le fun. Je découvre des personnes, des parcours de vie, des parcours de carrière à CKRL. Tu es notre premier public en fait. Ben oui, absolument. Comme je le disais en introduction d'émission, je découvre tellement l'histoire de CKRL par l'entremise de ces concepts-là, de ces émissions-là, que vraiment, moi, je laisserais ça aller sans arrêt. Vous me faites des signes, dis-lui d'arrêter. Je suis pas capable, je veux savoir la suite. Mais bref, là, il faut m'arrêter, moi, parce qu'on a une autre invitée avec nous au bout du fil, une employée mémorable de la décennie 1990 est avec nous au bout du fil, ancienne directrice de la programmation, Geneviève Gagnon est avec nous. Bonjour, Geneviève Gagnon. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour, Geneviève. Bon. Hey, bonjour Denis. Écoute, je viens d'entendre que tu es un animateur émérite maintenant. Moi aussi. Chose, hein? C'est incroyable. En tout cas, t'écoutes bien. Oui. Geneviève, c'est Denis à l'appareil. Donc, hey, bonjour Denis. Bonjour. T'es pas encore émérite, Denis? Ouais, ça s'en vient pour à côté lui, de Denis, ben, on prend ses distances. C'est ça. OK, ça va. Geneviève, peut-être nous rappeler un peu ton passage à CKRL dans les années 90. Oui, oui, oui, tout à fait. Écoute, je suis arrivée en fait en février 98 pour les 25 ans. Je pense que une semaine avant, peut-être, avant qu'il y ait la soirée pour souligner les 25 ans de CKRL. Mm-hmm. C'était au Musée de la Civilisation. Fait que là, je suis arrivée dans cette période-là. Je suis restée jusqu'en 2000. En tout cas, j'ai fait presque 3 ans, si ma mémoire est bonne, là, mais je me souviens de 2 radiothon. En tout cas, dont un enceinte de 5 mois. Alors, c'est un signe de quelque chose. Fait que je suis arrivée dans cette période-là. On était à l'édifice de Saint-Laurent au 8e étage. C'est ça, c'était... J'ai entendu dans d'autres Marjorie, entre autres, que je connais pas, là, mais qui a été aussi directrice, je trouvais qu'elle avait des bons termes là pour... c'était... J'étais dans la trentaine, moi aussi. Fait que comme toute l'énergie là de début de carrière, que tu veux tout faire, t'as plein de projets, tu motives les troupes. C'était vraiment ça, là, une grosse énergie, des équipes, des bénévoles, des gens qui travaillaient dans le plaisir. C'était vraiment quelque chose, ouais. Oui, puis c'était une période où ce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont été là, puis ils ont été là, bon, pendant longtemps, mais il y a beaucoup de nouveaux producteurs qui sont arrivés lors de ta période aussi. Oui, ah oui, oui, vraiment, là, je me souviens, là, je leur demandais des projets écrits, tout ça, c'est pas toujours livré. Il y a eu des belles choses, bon, ben, entre autres, là, je pense que quelqu'un qui a fait sa marque, là, c'est l'émission, c'est Antoine Tanguay, j'ai entendu Barbel en parler tantôt, effectivement, Antoine y est arrivé quand j'étais là. Anne-Josée commençait à travailler pour l'émission du matin, Josée Cameron, Pierre Blais c'est pas un secret, mais Pierre Blais, donc, aussi était bénévole là, et c'était mon conjoint, c'était le père de mon fils, fait que donc ma vie est vraiment liée à CKRL là. Il y avait Gabriel Rochette, il y avait plein de monde, Louis-Marie Babin, Alain Beaulieu est arrivé là aussi. Enfin, c'était une pépinière là, de projets, des émissions littéraires, émissions de cinéma, ouais, effectivement. Donc, quand on parle d'une programmation à monter avec toutes ces personnes-là, c'était pas si évident, là? Non! Non, puis aussi, je sais pas comment vous faites aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de logiciels là, accessibles, mais... il y avait aussi beaucoup de remplacements de bénévoles. Il y avait les émissions les émissions du matin. Ça prenait toujours quelqu'un. C'était pas possible d'avoir un logiciel qui peut mettre de la musique sans qu'il y ait quelqu'un en onde, là. Alors, ouais, c'était un casse-tête souvent, mais les gens, ils étaient vraiment enthousiastes et sympathiques, là. C'est mon souvenir le plus précis. Oui, toi, t'arrivais après que des gens comme Hélène Mathieu, par exemple, Pierre Grandmaison, aient touché à la programmation. Il s'agissait d'être un peu dans leur continuité. Et puis, comme Danny va sans doute y revenir, il y a eu un moment donné, bon, un petit peu avant toi, la création d'une salle de nouvelles, deuxième grande tentative dans toute l'histoire. Je sais qu'à l'époque, moi, je prenais un plaisir fou parfois à te faire un petit appel par jour, juste pour voir comment ça allait, ou te glisser subtilement une idée. On a eu des très, très beaux moments là-dedans. Mais vraiment, plus ça allait, parce que ça a été aussi à sa façon une décennie de reconstruction, de l'arrivée au Saint-Laurent 92 jusqu'au départ en 2001, en 2-3 temps, une époque d'enrichissement. Et il y a beaucoup d'animatrices, de filles, de femmes qui sont allées, et tu es du nombre en fait, à Radio-Canada, Québec entre autres. On ne les a pas toutes nommées encore là. Oui, mais non, effectivement, là, c'était vraiment une pépinière. C'est ça que j'ai entendu aussi. Donc, c'est vraiment une pépinière à talent. Les gens arrivent là très motivés, souvent bénévoles et tout ça. Puis donc, Anne-Josée, c'est comme ça. J'entends Tania Beaumont, que j'ai recroisée à Radio-Canada, qui était à l'époque aussi là. Il y a un paquet de monde comme ça qui sont passés par CKRL. D'ailleurs, quand on arrive à Radio-Canada, on le sait qui est passé par là. Puis tout ça, c'est comme une communauté. Ah bon, une c'est bien communauté, ça. Là. Oh, oui, tout à fait, là. Ouais. Oui, mais il y avait, son nom m'échappe, celle qui a réalisé l'émission du matin à Radio-Canada, souvent, là. Juste son nom m'échappe. Enfin, vous étiez nombreux et nombreuses. Et puis, toi aussi, tu parlais d'anniversaire, on peut penser à des radiothons. Moi, je me rappelle que pour ce 25e anniversaire-là, on avait eu la visite, après plusieurs années d'absence, de François Pérusse, accompagné, je pense, d'un membre de ce qui s'appelait Bleu Poudre, je ne sais pas si je confonds Pierre le groupe. Brassard, Pierre Brassard, exactement. Okay, c'est bon. Et au Musée de la Civilisation, je m'emballe peut-être, mais j'ai l'impression que nous étions 600 personnes. C'est très, très grand. Et c'était plein foule. Oh, oui, c'était quand même quelque chose. Les radiothons, c'est particulier parce que En fait, il y a tout le booking des artistes, là, puis c'est tout un monde. Là. Moi, j'avais la chance d'avoir l'expérience du festival d'été, parce que j'arrivais de là. Oui. Vraiment, là, ça, c'est ça a l'air de rien, là, mais c'est pas juste des appels téléphoniques, tout ça. Ils en voulaient beaucoup d'artistes, des artistes qui venaient souligner là, l'importance de CKRL, puis c'était un après l'autre. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup là quand tu passes par CKRL là, sur toutes les facettes là, humaines, professionnelles. C'est vraiment pour moi là, c'est mon école. C'est pas juste mon école, c'est aussi c'est lié à ma vie. J'ai encore des amis qui sont passés par là, que j'ai connus là et tout ça. Ça se dissocie plus là finalement. Là, je pense que pour chacun, chaque personne que j'ai entendue aussi là, c'est un peu ça. Là, ouais. Exact. Geneviève, c'est peut-être lié à ta vie, mais justement, dans ces années-là, dans les années 90 à CKRL, toutes ces personnes-là qui ont été importantes à CKRL également, toutes les personnes, les producteurs, les artisans que tu as dénichés, que tu as encadrés, que tu as formés, ça a permis aux années 90 de continuer à faire rayonner la station CKRL. Et ton apport a été plus qu'important, et pour cette raison, on est très fiers de te nommer sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Ah, mon Dieu! Écoute, merci. Je l'ai tellement fait avec cœur. Mais merci vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que les bénévoles le méritent beaucoup aussi, là. Mais merci. J'ai pas d'autres mots. Je suis vraiment touchée, là. C'est loin déjà, hein, cette période-là, là, 98, 99, 2000, là, mais bravo. Puis je suis contente de voir que c'est encore très vivant. Moi, c'est ça que j'entends depuis tantôt dans votre émission, là, que c'est encore très, très vivant aujourd'hui, que ça va bien. Dany, t'es là depuis très longtemps, là. T'as participé beaucoup à ce maintien-là là, de la station, mais c'est ça qui est vraiment le fun, je trouve. C'est de voir que ça rayonne encore très fort. Ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'entends parler. Merci d'avoir été avec nous, Geneviève Gagnon. Félicitations encore pour cet ajout au mur de reconnaissance. Ben, j'irai voir ça. C'est le mur, est-il encore dans l'entrée, là? Oui, tout à fait. Le mur est dans l'entrée. Tu peux passer nous voir et prendre une belle photo. C'est bon, je vais. Salut, Geneviève. Je vais aller voir si je suis la voisine de qui, là. C'est ça que je veux faire. Ça, c'est bon. Ça marche. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bonne journée. On va faire un court pont musical avant de parler à un autre invité, un partenaire primordial dans l'histoire de CKRL au cours des années 90, Daniel Le Saunier. On va écouter une petite chanson de Saint-Valentin, tiens, Vanille et Deux Cœurs. De retour à l'émission 53e anniversaire de CKRL 89.1, date anniversaire 15 février, bien sûr, 15 février 1973, c'est la date où CKRL a pris les ondes à Québec du sous-sol du pavillon Charles de Coninck hein, de l'Université Laval, avec Denis Lelièvre ici présent au micro. Je suis accompagné, Jean-Sébastien Noré, c'est moi, de Dany Fortin encore une fois. On va accueillir un nouvel invité avec nous. J'en ai parlé il y a quelques instants. Il a beaucoup contribué comme partenaire à l'histoire de CKRL à partir de la décennie 1990. Nous avons au bout du fil Daniel Le Saunier. Bonjour, M. Le Saunier. Hey, bonjour. Bonjour, Daniel. C'est Denis ici. Bonjour, Daniel. Salut. Dany. Salut. Alors, ben, avant de poursuivre, j'allais le dire avant, avant toi, on a eu 5 invités. Et alors qu'on a souvent dit à CKRL au fil des ans qu'il n'y avait pas de femmes, qu'il manquait de femmes, qu'il y avait une disproportion, ben, nos 5 premières invitées étaient toutes des femmes. Okay, Daniel, il faut que tu fasses un travail pour prendre ta place. Ben, j'ai une question pour vous. Ah ben oui, c'est bon ça d'inverser les rôles. Donc ça fait 53 ans que ça existe. Hein? Dimanche, mm-hmm. Oui. Je sais pas si vous avez fait le calcul de combien d'animatrices et d'animateurs sont passés à votre antenne. Pas tout à fait, mais moi, je dirais qu'on a arrêté de compter, mais ça dépasse le millier. Là. Je dirais facilement le 2000, moi. Ouais. Mais mettons, comme dans une année, cette année, par exemple, vous en avez à peu près combien? Je dirais environ 80, si on inclut quelques collaborateurs, oui. Ah oui. Donc, en 50 ans, c'est sûr que, bon, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, comme Denis depuis 53 ans, mais il y en a qui sont là un an seulement, une émission seulement. Donc, oui, il y a des milliers de personnes. Toi, Daniel, justement, quand on parle de CKRL, on va en reparler parce que ton importance comme partenaire avec Télé-Québec, mais tu avais des affinités également avec des animateurs de l'époque à CKRL. Oui, absolument. Quand je suis devenu le coordonnateur du bureau de Télé-Québec à Québec en 96, j'avais déjà fait pas mal d'écoutes, surtout quand j'étais arrivé à Québec en 92. Il y avait, pendant l'été, je faisais de la peinture extérieure, puis j'écoutais ce que vous faisiez en même temps que le festival d'été. Et il y avait un certain Mathieu Dugal et Denis Barry qui passaient leur journée, je pense que c'était sur la rue Cartier, en direct, recevoir à peu près tous les artistes qui pouvaient venir au festival d'été. Et à chaque fois, les entrevues étaient pertinentes. Fait que je trouvais que ça m'avait vraiment impressionné de voir cette qualité, cette profondeur. Donc, à un moment donné, quand j'étais à Télé-Québec, je me suis dit, il faut vraiment qu'on collabore avec CKRL pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce que c'est une radio communautaire qui donne une grande portée aux citoyens. C'est une radio citoyenne, dans le fond. Et tout de suite, Mathieu Dugal, quand on a eu l'occasion de créer une émission qui s'appelait « Méchant contraste », le réalisateur cherchait un animateur, ben, j'ai suggéré Mathieu, ainsi que Bastien Gagnon La France, qui était le directeur des programmes, je pense, chez vous. Oui, tu étais directeur des programmes. Mathieu animait l'émission du retour. Oui. Et puis, ils ont fait cette émission très particulière, qui a marché 2 ans, qui était pertinente. Et je pense que pour Mathieu, ça a été l'occasion de mettre un pied dans la télévision, carrément. Mais et puis, il y a eu Marjorie Champagne, qui était là tout à l'heure, qui est passée aussi à Télé-Québec. Alors, pour moi, c'est important qu'on collabore, qu'on aide, surtout qu'on aide. C'était pas l'idée d'aller puiser dans vos équipes, mais c'était vraiment l'idée d'aider de toutes les manières possibles, à la fois financières ou à l'occasion du Radioton, en faisant venir des animateurs ou des réalisateurs. C'était vraiment important pour une société d'État, dans le fond, qui a des moyens quand même, et de collaborer avec une radio communautaire. Tu sais, Daniel, justement, ce rapprochement naturel que tu mentionnes entre Télé-Québec et CKRL, c'est un peu grâce à toi, honnêtement, parce que les deux médias avaient quand même, bon, ce média culturel, de proximité avec les artistes et tout ça. Puis quand on parle de Télé-Québec aujourd'hui, toujours partenaire avec CKRL, mais les débuts du partenariat avec CKRL, c'est avec toi que ça s'est fait. Ben, tant mieux si ça a pu, surtout vous servir, je dirais, parce que les institutions publiques, ils ont quand même des responsabilités face aux citoyens, face au bien commun. Et puis, moi, je trouve qu'une radio comme la vôtre, ça fait partie d'un bien commun que les citoyens possèdent et qu'il faut que l'État encourage le plus possible. Donc, dans la mesure des petits moyens qu'on avait à Télé-Québec, on a fait des trucs, entre autres, même les conférences de presse, on avait une stratégie pour être sûr d'avoir des journalistes aux conférences de presse. On les invitait dans un bon restaurant à Québec, puis on faisait venir nos animateurs. Mais les gens de CKRL, certains journalistes ou animateurs étaient invités à ces conférences-là. On allait même à Montréal au lancement de la programmation. Oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, et pour nous, c'était important, et même la direction des coms à Montréal partageait cette idée de dire... que tu sois animateur à CKRL ou dans une radio commerciale ou dans un journal, tout le monde était traité sur le même pied d'égalité et avait une égale importance, si je peux dire. C'était partagé, ça. Ils partageaient ça à Montréal aussi, là. Daniel, lorsque on se rencontre à chaque année pour regarder les personnes, les employés, les administrateurs, les artisans ou autres personnes qui ont été importantes pour CKRL, il y a un nom qui est ressorti pour 2026 comme partenaire qui a été important pour CKRL et qui l'est toujours aujourd'hui. Et pour cette raison, Daniel Le Saunier est maintenant sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Ah, ben voyons donc. ben vraiment, ça m'honore, là. Ah, mon Dieu, ben c'est bien, merci. Je me trouve à joindre une longue liste de partenaires et de collaborateurs. Hein. C'est vraiment tout un honneur, là, pour moi, là. Ben bravo, Daniel, tu le mérites. Ben merci beaucoup. Peux-tu vous conter une anecdote? Oui, vas-y. T'es là pour ça. Parmi les trucs qu'on a fait pendant les radiotons, à un moment donné, on avait engagé chez vous à l'antenne une équipe d'improvisateurs, de comédiens. Je me souviens plus s'ils venaient de l'université ou si c'était une ligue en ville. Puis on leur avait demandé d'improviser en direct sur une émission pour enfants de Télé-Québec pendant qu'elle était diffusée. Ce qui fait que dans ton salon, tu syntonisais Télé-Québec, tu fermais le son, puis tu écoutais CKRL. Formidable. On avait une pierre deux coups, finalement, une espèce de fusion. Ça a duré une demi-heure, mais quand même, moi, j'en venais pas, j'étais assis dans mon salon, puis je disais, c'est un peu fou, là, d'une certaine façon, des comédiens qui improvisent comme ça en direct sur une émission de télé. Là. On a fait ça une fois, là, c'était bien. Merci d'avoir été avec nous, Daniel Le Saunier. Encore une fois, félicitations pour cette intronisation au mur de la reconnaissance de CKRL. Hey, gros merci de votre part. Puis, ben, j'irai voir moi-même l'inscription sur le mur. Ça me fera une occasion d'aller vous voir. Absolument. Très bien, Daniel. Okay. Salut, Daniel. Bye. Merci. Bye-bye. Alors, on va écouter un dernier petit extrait musical avant de passer à notre dernier invité avec nous aujourd'hui. Le plus récent extrait de Lydia Kepinski à l'extérieur. Vous écoutez l'émission 53e anniversaire de CKRL. Je suis contente, j'ai enfin saisi ce que c'est que d'être bien. Je dirais que j'ai rencontré quelqu'un. Je dirais qu'il ne ressemble à rien. Sous la terre à chercher mon vœu. Viens me retrouver à l'extérieur. Je te dirai je t'aime même mieux. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission 53e anniversaire de CKRL 89.1. On poursuit avec notre dernier invité qui viendra témoigner avec nous de son passage à CKRL, de son expérience ici. Et il représente la décennie 1990 comme employé. Il a été directeur de la programmation ici à CKRL. On reçoit M. Claude Légaré. Bonjour, Claude Légaré. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Salut, mon vieil ami Claude. Hey, bonjour, Denis, ça va bien? Oui, bonjour, Claude, c'est Danny. Très bien, quand j'ai une occasion de te parler, ça va toujours encore mieux. C'est gentil. Hey, bonjour, Danny, bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là. Alors, rappelle-nous, là, Jean-Sébastien a mis la table. Oui, il y a direction de la programmation au milieu des années 90. On va faire un premier temps. Mais après ça, il ne faudra pas oublier, dans les années 2000, l'émission auprès des prisonniers. Là. Alors, donc, dans les années 2000, on a parlé tout à l'heure avec Geneviève Gagnon. Il y a une certaine proximité d'époque. Quels étaient les défis et quel a été ton plaisir à ce moment-là? Ben, mon plaisir ou mon défi? Alors, je vais répondre aux deux questions. Oui, je commence par le plaisir. Oui. Le plaisir, c'était l'effervescence culturelle, de baigner toujours dans un contexte où on rencontre des gens qui sont toujours à créer quelque chose. Ça, c'était très stimulant, je l'avoue. Et la semaine dernière, quand j'ai appris le décès de Yvon Bilodeau, le metteur en scène et comédien, ça m'a ramené justement à CKRL, parce qu'à l'époque, c'était le premier disque de Bory. Et j'ai un ami qui avait entendu une entrevue à Radio-Canada, qui les avait contactés et leur avait dit « Claude Légaré est à CKRL, il va vous téléphoner ». Et comme ça, j'avais appelé Paul Grégoire, et je les avais invités à venir présenter le disque à CKRL. Et on est comme devenus un peu, pas amis, là, mais on s'entendait bien. Et à un moment donné, il m'a téléphoné pour qu'on aille déjeuner ensemble. Et je me souviens que Yvon Bilodeau était là, justement. C'est lui qui signait la mise en scène de Bory à l'époque. Mm-hmm. Alors, c'est des bons souvenirs, des bons souvenirs. Et ça a fait un malin. Le défi... Oui, vas-y avec le défi. Oui. Pardon? Vas-y avec le défi. Le défi, ben, c'était le contenu francophone. C'était de répondre aux exigences du CRTC et d'arriver à notre quota d'émissions françaises, francophones. Mais ça, c'était pas difficile pour toi parce que tu y croyais vraiment profondément, là. On n'avait pas de convaincre de oui, ça. Oui, quand même. Hum. Non, on n'avait pas me convaincre, mais justement, même avec beaucoup d'efforts, c'était toujours sur la ligne, c'était difficile, parce que, bon, il y avait les émissions du vendredi soir, du jeudi soir, du samedi soir, du dimanche soir, où, bon, c'était... C'était un peu moins francophone. Ça ressemble encore un peu à ça. On ressemble un peu à ça. Oui. Oui. Claude, justement, oui. Lorsque ton rôle était à la direction de programmation, mais comme Denis le mentionnait tout à l'heure, l'animation également oui. De cette fameuse émission « Les souverains d'Orsainville ». Donc, parle-nous-en un peu. Oui. Comment c'est arrivé? C'est Mohamed Lotfi qui était venu me rencontrer. J'étais dans ma dernière année au programme à CKRL. Et l'émission Les Souverains anonymes plutôt était diffusée sur les ondes de CKIA. Et lui, il voulait que l'émission soit diffusée sur les ondes de CKRL. Alors, j'avais proposé cette émission au comité de programmation à l'époque et on avait décidé d'accepter l'émission Les Souverains anonymes en ordre. Donc, Mohamed Lotfi descendait de Montréal tous les samedis et allait enregistrer cette émission. Et moi, comme je m'intéressais à la chose, j'allais écouter les émissions. J'allais avec lui en prison et tout ça. Et à un moment donné, le directeur m'a téléphoné pour me dire que Mohamed ne voulait plus animer l'émission parce qu'il devait descendre à Québec tous les samedis, puis il y avait sa famille, etc. Et il m'a proposé d'animer l'émission. Alors, moi, je quittais CKRL, j'étais rentré à la fin de mon mandat. Alors, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, je vais finir la saison au moins des souverains et après j'arrêterai. Alors, je pensais faire peut-être une année aux souverains, parce que j'avoue que la première fois que je suis rentré en prison, je trouvais ça un petit peu austère. Et puis finalement, j'ai été là pendant 16 ans, jusqu'en 2014. Ouais. Je me mets à la place de celles et ceux qui nous écoutent, Claude. En quoi ça consistait, cette émission? Parce que ça semble éminemment original et quelque chose de nécessaire aussi. Oui. En quoi ça consistait? Tu faisais des entrevues avec des gens qui étaient en prison. S'il y en a qui écrivaient des poèmes, des chansons, tu leur laissais le micro? Oui, ben, d'abord, pour participer à l'émission, quand on était détenu, il fallait être inscrit à l'école en prison. fallait avoir fait un retour aux études en prison. C'était le centre Conrad Barbeau qui desservait le centre de détention de Québec. Alors moi, en début d'année, je faisais le tour des classes et je disais, j'expliquais l'émission aux détenus et je disais, là, je veux que vous me proposiez des thèmes. Alors, eux me proposaient des thèmes, que ce soit la religion, la toxicomanie, la sexualité. Il y a eu beaucoup de thèmes, naturellement, sur une période de 14 ans, de 16 ans. L'émission de Noël, de décembre, on faisait toujours comme un party de Noël. Et puis là, on demandait aux détenus, justement, de nous proposer des poèmes, des chansons. Et on faisait une espèce de gros party avec ça, là, en décembre. Et la même chose quand on finissait au mois de juin. Claude, je sais que tu es à l'extérieur du pays présentement, mais peut-être que justement, tu vas passer une belle fin de semaine avec ce que je vais te mentionner. Comme directeur de la programmation, mais également pour le travail, pour les souverains anonymes pendant une aussi longue période, et un concept quand même plus qu'original et plus qu'important. Le comité qui s'occupe du mur de la reconnaissance de CKRL est fier de t'annoncer que tu es officiellement nommé sur le mur de la reconnaissance de CKRL. Ah, ben écoutez, merci beaucoup, ça me touche énormément. On sent un petit délai hein, dans la communication, c'est parfait, ça veut dire que t'es pas dans Limoilou présentement, et puis... Depuis tantôt, ça fait passer une reconnaissance qui viendrait du gouvernement, mais c'est d'une radio communautaire et ton passage a été excessivement important. On a beau dire, oh oui, ça fait déjà longtemps, 20 ou 30 ans. Pour nous, c'est comme hier et j'imagine que dans ton cœur, c'est sans doute un peu le cas surtout. Ben oui, absolument. J'ai tellement de bons souvenirs. Dany, tu te rappelles, à l'époque, tu étais à la direction des ventes publicitaires. Tu n'étais pas encore le DG de la station. Je me rappelle qu'on a fait quelques bons coups ensemble. On est allé chercher des clients pour la station. Oh oui, c'était une belle époque. Il y a beaucoup de bons souvenirs en effet. Alors, bravo, merci, félicitations, cher Claude. On se revoit bientôt, j'espère. Ben oui, écoute, je rentre bientôt, puis on se faxe, puis on déjeune, Denis. Tout à fait, on se texto. Merci. OK, au plaisir. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, ben c'est... Je fais comme si c'était terminé, Dany et Denis, mais en fait, c'est pas terminé du tout, parce qu'il nous reste... T'as un complément d'émission, toi? Non, mais je sais que Dany a trois noms supplémentaires à nous annoncer. Ah, tout à fait. Oui. On a eu sept personnes. Ben oui, c'était 10, mais on a eu 7 personnes. On a eu 7 personnes en entrevue dans les derniers 90 minutes. Ça a roulé quand même assez bien, mais lorsqu'on a déterminé cette année, c'était 10. Donc, on peut revenir dimanche. Oui, on pourrait, mais on pourrait nommer ces personnes-là dès maintenant. Donc, dans les personnes qui sont nommées également cette année, sur le mur de la reconnaissance, un artisan qui était là de façon quand même régulière et pendant très longtemps à CKRL, Michel Bonaparte, qui animait Topic du Capricorne souvent le dimanche après-midi. Entre 15h et 17h. 15h et 17h après les Routes Enchantées. Exactement. Oui. Donc, Michel Bonaparte, qui était là, honnêtement, je ne me souviens plus le nombre d'années. Moi non plus. Mais plus de 20 ans, sûrement. Mais une culture extraordinaire, un style, un ton légèrement sarcastique, mais dans le bon sens du terme, et mélangeant la grande chanson francophone et beaucoup de chansons du monde, de l'univers latino, par exemple, de l'univers afro-descendant, comme on dit maintenant. Voilà. La neuvième personne nommée sur le mur pour 2026, il a été copropriétaire d'un disquaire légendaire ici à Québec. Il a animé une émission à CKRL également, Denis Jodoin, propriétaire du temps du de Sillon le disquaire. Il a animé avec Gilles Chaumel, avec Martin Bolduc, par quatre copains, ici à CKRL également. Et Paul Marois. Et Paul Marois, exactement, le quatrième, donc Paul Marois. Sillon le disquaire pour CKRL, c'était un rôle important de partenaire pour la station, une association qui allait de soi avec justement tout ce qui était proposé chez ce disquaire qui était unique en son genre ici à Québec. Un point de convergence, de rencontre, et souvent même de musiciens et d'auteurs, compositeurs, interprètes qui se faisaient un devoir, un plaisir de passer par là. Pour certains qui ont séjourné un bout de temps à Québec, se croisaient là, et c'était la force de ces petites boutiques de disques, voire de librairies, où on pouvait rester 2 heures à parler avec un propriétaire comme ça, mais aussi avec les autres clients. Il y avait les propriétaires, il y avait Guy, bien sûr, et Denis. Guy et Denis. Et Paul était là aussi. Et Paul était toujours présent. Mm-hmm. La 10e personne, et non la moindre, nommée sur le mur de la reconnaissance, elle a été propriétaire d'une institution ici à Québec pendant plus de 30 ans. C'est une personne qui a été très importante dans le milieu culturel à Québec, Lily Jaudoin, propriétaire du temps du Foubar. Oui. Tantôt, avec André Racine, on a mentionné l'émission Danger Culture qui a été ici en direct de CKRL, mais par la suite, c'est transporté en sortie dans une émission culturelle Danger Culture avec toute l'équipe qu'on a nommée. Mais il y a eu tellement d'animateurs qui sont passés à cette émission culturelle. Il y a eu par la suite Nathalie Lessard, Denis Barry qui ont animé cette émission. Il y a eu Tania, bien sûr, par la suite au Sacrilège. Mais le Foubar a été un partenaire des plus importants pour CKRL par cette présence-là hebdomadaire. Et Lily, tous ceux qui connaissent Lily, possiblement que toute la ville culturelle de Québec connaît Lily, son importance est primordiale pour le milieu culturel, mais son apport pour CKRL comme partenaire a été aussi important. Et ces deux Jaudoins-là, si tu me permets, ont été très importants dans leur univers de respectif. Et puis, Lily a cédé sa place il n'y a pas tellement longtemps, mais avec l'assurance que l'endroit garde sa vocation. C'est comme ça, par exemple, qu'il y a du jazz, oui, mon genre préféré, tous les mardis soirs, par exemple. Mm-hmm. Alors, oui, Lily a été merveilleuse. Et là, je mets mon pied dans la porte, car c'est le moment où Denis veut nous proposer un petit complément d'émission. Dis-en plus un peu pendant que je vais bouger, là. OK. Au cours des dernières semaines, des dernières journées, alors qu'on préparait l'émission d'aujourd'hui, qui souligne les 53e anniversaire de CKRL, mais également l'intronisation de 10 nouvelles personnes au mur de la reconnaissance, Denis m'a parlé en secret de deux personnes qui ont marqué la station, qui sont déjà au mur de la reconnaissance, là, dit, mais qui ont fortement marqué la destinée de la station de CKRL, qui sont toujours auprès de nous. Et Denis me disait que lui et les membres du CA voulaient souligner cette contribution-là. Oui, c'est que, Denis, vois-tu, lors du 50e anniversaire, donc en 2023, on pensait souvent des gens qui étaient ici depuis une trentaine d'années. Et puis, que le compte soit exact ou non, là, en fait, on serait presque rendu à 33, il m'apparaissait évident que deux des employés de l'équipe interne, à savoir Danny et puis Yves, qui est arrivé fin Saint-Ursule, fin 92, et Danny, fin 92. Vous êtes là depuis 30 ans. Et puis, vous avez apporté chacun une couleur indispensable. Donc, les membres actuels du CA actuel, tenaient à souligner ça une bonne fois pour toutes. Connaissant ton humilité légendaire, c'était difficile de te le faire savoir à l'avance. Et puis, ben voilà, Alors, pour justement toute ta contribution au niveau de la santé financière de CKRL entre 2010 et 2019 particulièrement, et depuis, l'achat de la maison ici, toutes les démarches pour la réparation de l'immeuble et tout ça. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et justement, ce projet de mur de la reconnaissance dont tu avais le secret, c'est-à-dire d'aller au-delà des voix connues, c'est-à-dire animatrice et animateur, mais aussi de mettre à contribution les gens avec qui tu travailles de près, les partenaires et tout ça, ben, ça nous a semblé intéressant et important de lire ça. Alors, je lis un petit texte d'Annie. Annie, au nom du conseil d'administration de CKRL, nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance pour tes nombreuses années d'engagement envers la station. Ton sens des relations humaines allié à un pragmatisme solide a fait de toi un pilier pour le bon fonctionnement et le développement de notre organisation. Grâce à ton dynamisme, à ton sens de l'anticipation et à ta rigueur, CKRL bénéficie d'une stabilité et d'une vitalité dont nous sommes fiers. Nous tenons à souligner la qualité exemplaire de ton travail, la constance de ton dévouement et l'impact durable que tu as eu sur la réalisation de la mission de CKRL. Le comité d'administration 2026 de CKRL, Jacques Bégin, Édith Carrier, Alex Jonf-Garant, Sandra Lamoureux, Odette Legault, Denis Lelièvre, Miguel Ross, Rosine Nadège, Taguem. Voici la carte et son contenu. Bien. Merci. on entendait les témoignages des personnes tout à l'heure. Oui, on peut te questionner un peu quand même et, aussi. Et justement, les personnes tout à l'heure étaient touchées de ce que leur passage à CKRL et la reconnaissance. C'est un peu ça pour moi également. Lorsque je suis arrivé ici en 1993, honnêtement, je pensais n'être que de passage. Donc, à ce moment-là, ma connaissance de la radio était présente, mais ma connaissance du milieu culturel, communautaire et social était très, très mince. Et j'ai appris avec le temps l'importance qu'on doit accorder à ce milieu et l'importance que CKRL apporte à ce milieu. Et dans ma vie de tous les jours, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de maturité, justement. Et j'en suis reconnaissant envers la station aussi en même temps. Ça m'a apporté beaucoup et je suis encore présent aujourd'hui. Le passage est très long, on dirait. Mais ben merci, merci beaucoup. Parce que c'est ça, quand tu es arrivé, on t'a connu, tu étais aux ventes, quelque sorte, mm-hmm. vendeur de pub. À l'animation également. À l'animation sportive, faut pas oublier dans ça. Dans la salle de nouvelles de CKRL des années 90. Oui, c'est bon de le rappeler. Et puis, tu te souviens, à l'occasion du Festival international de jazz des Nuits Black et Bleues, il y avait une émission en sortie. Et j'ai eu l'honneur d'animer cette émission d'au moins 10 jours, 4 étés d'affilée. Ouais. À chaque fois, on allait rencontrer le directeur du festival et négocier un endroit différent. Il y a eu 4 endroits différents. C'est entre autres ce qu'on a fait, entre autres. Et puis, par la suite, donc, à la direction générale pour deux occasions, la dernière étant depuis 16 ans, quand même, depuis 2010, comme je viens de le souligner avant. Tu avais une autre personne également, là. Tu as nommé Danny Fortin là-dedans, mais il y avait Yves Dubois, là. Ben justement, le deuxième, tu as deviné. Tu l'as nommé, tu as dit Danny et Yves. Oui, c'est ça, donc, vous faites un couple, un duo incroyable. Alors Yves, c'est, et puis tu compléteras, Yves, c'est le fabricant de l'image, c'est l'expression qui nous est venue. Le magicien de l'image sonore. L'image sonore, donc qu'est-ce que ça veut dire, l'art des pubs, entre autres. Et je dirais qu'il travaille là-dessus, comme au théâtre, le metteur en scène et ceux qui s'occupent des langages théâtraux, par exemple, le scénographe et surtout la personne à la conception sonore. Et son travail a souvent été souligné lors de rencontres de l'AD, pas de l'ADIS, mais de l'Association des radios communautaires, oui. Comme étant des pubs très inventives, mm-hmm. pleines de créativité, qui attirent l'attention, mais sont en continuité avec la programmation, à l'image d'eux, et qui ne sont pas agressives. C'est vraiment formidable. Alors, on a un petit mot pour lui, que tu sauras lui transmettre. Oui. Tu vas le voir avant nous. Yves, au nom du conseil d'administration, nous souhaitons t'exprimer notre profonde reconnaissance et te dire à quel point nous apprécions tes nombreuses années de présence créative au sein de la station. Pour ton expertise, par ton inventivité remarquable et ta sensibilité artistique, tu as façonné un son et une ambiance distinctive qui contribuent de manière déterminante à la qualité, à la personnalité et à l'âme de nos ondes. Merci pour ce travail exceptionnel dont l'impact direct et durable enrichit l'expérience d'écoute des auditeurs et des auditrices de CKRL depuis plus de 30 ans. Le comité d'administration 2020 CKRL et tous les membres que j'ai nommés tout à l'heure. Alors, bravo Yves. Et dis-nous un mot sur Yves que tu côtoies tous les jours. Yves, c'est ça. Quand on parle de la programmation de CKRL, mais tout ce qui est autour de la programmation de CKRL, c'est autant, sinon plus important que ce qu'on a en ondes. Le son de CKRL, que ce soit les indicatifs, que ce soit bien sûr la publicité, le choix des voies publicitaires et tout ça. Le choix des voies. Le choix des voies publicitaires, exactement, permet d'avoir un contenu, une programmation qui est unique en son genre. Et comme créateur, Yves, honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, pas parce qu'il est avec nous, mais parce que il y a tellement de partenaires qui me le disent. Aussi. Oui. Quand ils entendent les pubs de Yves, ils disent « Wow! » ça se démarque de toutes les autres radios, bien sûr, qui sont faites souvent de façon à la chaîne, tandis qu'ici, ils sont travaillés, ils sont pensés, ils sont réfléchis, parce que justement, il y a à cœur et il y a le respect des ondes de CKRL. Parce que oui, on a besoin d'avoir ces partenaires pour faire vivre CKRL, pour faire fonctionner CKRL, mais ça doit couler également avec la raison d'être de CKRL, la mission de CKRL. Et les partenaires qui s'associent à CKRL s'attendent à avoir justement ce plus-value que Yves offre. Et Yves est exceptionnel et il mérite amplement cette reconnaissance. Moi, j'ai souvent dit au fil des ans à Jean-Sébastien, à des amis, que, par exemple, en voiture, là, sur la route, j'aimais mieux écouter le 3 minutes de pub de CKRL ou 30 minutes que d'essayer de changer de poste pendant 3 minutes puis d'écouter autre chose. Ça m'a toujours beaucoup plu. Toujours. Il y a une cohérence, il y a quelque chose d'artistique. Et c'est à l'image du bonhomme qu'on côtoie ici. Ben oui, Yves demeure un gars très curieux, tant pour son travail au théâtre que son travail ici. Il m'en parle souvent. Il demeure à l'écoute de ce qui se fait un peu partout, tant en écoutant d'autres chaînes au Québec, que la radio européenne me parle souvent de ce qui se fait en Europe, tant la sélection musicale que l'enrobage sonore de certaines stations en Europe. Donc, c'est un gars qui demeure très connecté sur la tendance actuelle de ce qui se fait ailleurs, ce qui fait que ça évolue constamment, l'identité sonore de CKRL. Jamais déphasé, jamais répétitif. Donc, alors, tu vois, Jean-Sébastien, la reconnaissance peut tarder, mais quand on dépasse le cap de 30 ans, comme Danny et Yves, ça peut arriver. Ben, félicitations encore une fois à Danny et à Yves Dubois, qui étaient à l'écoute, je l'espère. Je l'espère. Sinon, bien sûr, on lui passera le mot en début de semaine prochaine, quand on le verra en personne ici à la station. Merci, Denis. Merci, Danny, d'avoir été avec moi à l'animation de cette émission spéciale 53e anniversaire de CKRL 89.1. Ben, je vous invite à rester à l'écoute de CKRL dans quelques instants. Là, finalement, on a défoncé d'un bon 20 minutes. Dans quelques instants, c'est Soulfinger qui s'en vient avec Jean-Sébastien Grondin. Soyez à l'écoute de CKRL dimanche aussi. Ce sera notre anniversaire officiel, donc 15 février, 53e anniversaire officiel. J'espère que certains animateurs et certaines animatrices en glisseront un petit mot. Denis m'en parlait avant d'entrer en onde. Là, on va en parler à notre gang là, pour souligner le tout. Mais cela dit, merci d'avoir été là tout le monde. Restez bonne soirée sur les ondes de CKRL. CKRL 89.1.